Vous êtes à l'antenne de CKRL 89.1 et vous écoutez Futur Simple, Valérie Levée au microphone. À Futur Simple, on vous parle souvent de la science réalisée par les chercheurs, mais les scientifiques sont de plus en plus incités à collaborer avec les citoyens dans leurs travaux. Les universités et les organismes finançant la recherche veulent en effet inclure le public dans la production des connaissances scientifiques. D'ailleurs, chez nous, par exemple, les fonds de recherche du Québec ont lancé cette année le programme Pilote Engagement qui vise justement à favoriser la participation dans le développement et la démarche scientifique. Et dans le cadre de ce programme, du financement sera offert à 5 équipes de recherche comprenant des citoyens et des scientifiques. Alors, pour l'occasion, on se demande pourquoi et comment favoriser l'inclusion des citoyens dans la production des connaissances scientifiques. Et pour en parler, on reçoit Marc Kevin-Daou. Il est conseiller en éthique à la Commission de l'éthique en sciences et en technologie. Bonjour Marc Kevin. Bonjour Valérie. Alors en fait, qu'est-ce que ça signifie exactement l'expression « science citoyenne » Mais l'expression « science citoyenne », ça n'a pas une seule définition. Ça réfère à plusieurs choses. Selon le degré d'implication des citoyens dans la démarche scientifique. Alors, je vous donne trois exemples. Mm-hmm. Premier exemple, le plus ordinaire, ce serait lorsque les scientifiques font appel au public pour la collecte de données ou l'analyse de données. Donc, mm-hmm. vraiment, la démarche scientifique standard, on va faire appel aux citoyens pour faire ces étapes-là. On peut parler de science citoyenne aussi, par contre, lorsqu'on inclut les citoyens dans la science pour s'assurer qu'une grande diversité de points de vue soit représentée. Donc, par exemple, on va consulter des citoyens de différents horizons ou de différents groupes socio-économiques pour avoir le plus de perspectives possibles sur un mm-hmm. problème concret. Mm. Mais les sciences citoyennes, ça peut aussi référer à des recherches où on va accorder aux citoyens un plus grand rôle décisionnel dans okay. la résolution du problème. Mm. Donc, par exemple, supposons qu'on veut réformer un indicateur économique comme le chômage. Il y a toutes sortes de critères pour calculer le chômage. Donc, pour entrer dans ce calcul, vous devez avoir un certain âge, vous devez être à la recherche d'un emploi, et ainsi de suite. Donc, supposons que des économistes aimeraient changer les critères du chômage. Dans un modèle participatif, ils pourraient consulter les citoyens pour savoir quels ajustements devraient être faits. Mm-hmm. C'est pertinent parce que ce sont les citoyens qui vont être affectés directement oui. par la manière dont on conçoit le chômage. Donc, les sciences citoyennes, ça peut prendre plusieurs visages, dépendant des objectifs qui sont visés puis du niveau de participation qui est souhaité. Mm. Est-ce que c'est la même chose que les sciences participatives? Est-ce que c'est synonyme? Oui, c'est utilisé comme d'accord. synonyme. D'accord. Donc, parlons des raisons pour motiver les sciences citoyennes. Une des raisons qu'on entend souvent en faveur de ce modèle, c'est que puisque les recherches sont financées par l'État, les citoyens devraient avoir leur mot à dire sur les recherches qui sont faites. Donc, par exemple, les citoyens pourraient bloquer des recherches qui ne bénéficient pas directement à la société. Est-ce que vous pensez que c'est cet argument-là... Que pensez-vous de cet argument-là en faveur de sciences citoyennes? Ben, c'est un argument intéressant. C'est toujours une bonne nouvelle lorsque des projets scientifiques qui sont financés par l'argent des citoyens nous sont utiles collectivement. Mais un problème évident avec cette idée-là, c'est qu'historiquement, il y a eu de nombreuses recherches scientifiques utiles qui ont été faites dans une toute autre optique que mm-hmm. de bénéficier aux sociétés. Donc, par exemple, les recherches sur les rayons, sur la radioactivité, ont été essentielles au développement de la médecine moderne. Mais initialement, les physiciens ayant fait ces découvertes n'avaient pas du tout l'intention ouais. de contribuer à la médecine. Mm. Donc, de la recherche pure, entre guillemets, a été extrêmement utile, mais par accident. Mm. Donc, c'est tout le volet de la recherche fondamentale, là. Oui, c'est ça. Mm. Puis c'est important de mener des recherches dont le but avéré, c'est d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Mais mener des recherches sans objectif social préalable, ça peut être tout aussi mm-hmm. pertinent. Mm-hmm. On ne sait jamais de quel résultat de la recherche fondamentale va trouver une application un jour, peut-être en sciences sociales, justement. C'est ça, exactement. Mm-hmm. Donc, si on n'est pas convaincu par l'argument des bénéfices sociaux, est-ce qu'il y a d'autres raisons pour favoriser la participation citoyenne dans les sciences? Tout à fait. Donc, une autre raison pour la participation citoyenne en sciences, ce serait que le public peut s'assurer qu'il n'est pas utilisé à tort par les institutions scientifiques. Mm-hmm. Donc, je vous donne un exemple très bien documenté. C'est l'étude de Tuskegee sur la syphilis. Donc, pendant 40 ans, de 1932 à 1972, des scientifiques américains blancs ont mené une étude sur les effets de la syphilis sur des populations humaines. Pour mener leur étude, les scientifiques ont enrôlé 600 sujets afro-américains des classes populaires. Mm-hmm. Environ 400 d'entre eux avaient déjà la syphilis, mais le reste d'entre eux, donc environ 200 sujets, étaient en bonne santé. Les scientifiques ont infecté à leur insu 200 sujets en santé. Mm. En plus, ils les ont pas informés des risques de l'étude. En tout cas, je vous épargne tous les détails, là, mais il y a eu, de nombreux problèmes éthiques avec l'étude de Tuskegee. Ouais. Donc, en plus des torts qui sont causés aux participants de l'étude, ce genre de cas a des effets profonds, durables, sur la relation entre le public et la science. Donc, ça fait en sorte que des groupes sociaux se sentent exclus de la science, développent une méfiance à son égard, peuvent même y voir une institution qui est dangereuse. Puis c'est pourquoi plusieurs philosophes pensent qu'il faut inclure les citoyens de tous les groupes sociodémographiques dans les étapes de la production scientifique. Si je reprends l'exemple de Tuskegee, si des citoyens afro-américains avaient participé au protocole d'enquête, il y a fort à parier que ce problème-là aurait été évité parce que l'étude aurait été bloquée ou amendée dès le départ. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles les comités d'éthique de la recherche, c'est les comités qui ont le mandat de valider les projets proposés par les scientifiques, comptent souvent des représentants du public. Ah oui? Ah. Donc c'est un peu tragique, quand même beaucoup tragique, ce qui s'est produit à Tuskegee. Mais est-ce que ça milite vraiment pour l'implication citoyenne dans les sciences? Parce qu'une grosse partie du problème avec ce drame-là, c'est qu'on avait seulement des médecins blancs qui menaient l'étude. Donc il me semble qu'on aurait pu éviter le problème si des médecins de différents horizons et groupes sociaux avaient participé au protocole d'enquête. Ouais, exactement. Donc il y a d'autres penseurs qui ont souligné qu'on peut éviter ce genre d'événement en diversifiant la communauté scientifique. Donc, plutôt que d'amener les citoyens à la science, il suffirait que les scientifiques reflètent la diversité de nos sociétés, que ce soit comme un genre de miroir de la société. Donc, dans l'étude de Tuskegee, par exemple, le drame aurait été évité si des scientifiques afro-américains avaient participé au protocole d'enquête. Ben, parlant de diversité, certaines personnes semblent penser que les sciences citoyennes vont permettre aux scientifiques de tirer profit de la diversité des sociétés. Qu'est-ce que ça signifie, en fait? Bon, ben, pour donner un peu de contexte à cet argument-là, il faut dire d'abord qu'on observe beaucoup d'homogénéité dans les postes scientifiques stratégiques. Donc, les hommes blancs occidentaux sont surreprésentés dans l'obtention de chaires. Ça, c'est des grandes sommes de financement pour mener des recherches de pointe. Ouais. Des postes de directeurs de revues scientifiques prestigieuses, les comités de financement à la recherche, et ainsi de suite. Donc, cette surreprésentation-là de certains groupes sociaux, elle affecte la science. Pour vous montrer un peu comment ça peut affecter la science, je voulais un extrait d'un texte de Samir Achani qui parle de ce problème-là dans l'évaluation par les pairs. Donc, elle écrit « Deux chercheuses, ont reçu une expertise de la revue scientifique Plus One qui leur demandait d'inclure un ou deux biologistes masculins afin d'éviter des extrapolations qui s'éloigneraient un peu trop des évidences empiriques vers des hypothèses idéologiquement biaisées. » Fin de la citation. Mais ça en dit long. Ben oui. Dans le fond, on laisse entendre que l'on peut débiaiser l'étude en mentionnant les travaux de chercheurs masculins. Ouais, c'est comme si eux n'étaient pas biaisés. Ben c'est ça. Et c'est pas mal sexiste comme remarque. Ça revient à dire que les résultats scientifiques obtenus par des hommes sont moins biaisés que les autres. Donc, pour faire le lien avec les sciences citoyennes, il y a plusieurs personnes qui pensent qu'une science à laquelle le public participe activement peut aider les scientifiques à identifier leurs propres biais, les angles morts dans leurs réflexions. À condition, bien sûr, qu'ils acceptent d'être évalués et critiqués par le public. Ouais. Donc, une science citoyenne aurait de meilleurs outils pour lutter contre ses propres biais. Mais on n'a aucune garantie qu'une science citoyenne va faire une plus grande place aux femmes ou aux minorités, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe si les citoyens qui participent aux études sont juste des hommes blancs? Oui, tout à fait. Puis ça, c'est un gros enjeu. On semble présupposer que les citoyens qui vont participer à la démarche scientifique vont refléter la diversité de nos sociétés. Mais il y a plusieurs études qui suggèrent plutôt que les citoyens là, qui sont susceptibles de participer à ce genre de projet... Mais ça tend à être des hommes blancs éduqués. Donc, c'est une question à partir économique et sociale, parce que c'est beaucoup plus facile de participer à la science bénévolement si on est bien entier, si on a un bel horaire de travail. Ouais. Et sans surprise, ça donne que les hommes blancs entrent plus souvent dans cette catégorie-là que les autres. Donc, la diversité des groupes sociaux, elle doit être prise en compte dans l'élaboration des sciences participatives. Sans encadrement, on risque de se retrouver avec des sciences citoyennes qui sont pas mal homogènes. Ouais, il y a des personnes dans la société qui, parce qu'ils sont peut-être dans des couches un peu défavorisées, ne participeront jamais à ces études. Puis pourtant, ça bénéficierait à eux. Pourtant. C'est ça, exactement. Ouais. Donc, revenons aux raisons qui pourraient justifier les sciences citoyennes. Une dernière raison souvent citée pour ce modèle, c'est que ça permettrait de tirer profit de l'intelligence citoyenne. Donc, ça aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, mais l'idée ici, c'est que certains citoyens disposent de connaissances spécifiques, comme des expériences de terrain, des savoirs traditionnels, des modes de raisonnement adaptés à des contextes, ainsi de suite. Cette expertise-là peut facilement échapper aux scientifiques. Donc, si on fait appel au public, ça peut être un bon complément à l'expertise scientifique là, standard. Donc, on peut penser à plusieurs exemples. Je vous en donne un exemple. Une étude assez célèbre de Brian Wynne sur l'expertise des fermiers de moutons du nord de l'Angleterre. Donc, c'est des fermiers qui ont subi, vers la fin des années 1980, les effets d'un moratoire sur l'abattage de moutons. Des analyses scientifiques suggéraient que leur pâturage était contaminé par des précipitations radioactives en provenance de Tchernobyl. Mm-hmm. Donc, à la fin des années 80, il y a l'incident nucléaire à Tchernobyl, et là, la radioactivité se retrouve dans les nuages. Et là, on pensait que c'est ça, c'était la raison pour laquelle les pâturages étaient radioactifs. Mm-hmm. Faiblement radioactifs, mais quand même. Donc, des scientifiques sont dépêchés sur place afin de prêter conseil aux fermiers touchés par le moratoire. Non seulement les fermiers étaient en désaccord avec les conclusions, les conseils offerts par les scientifiques, mais ils ont identifié des lacunes importantes dans leurs protocoles expérimentaux. Je donne un exemple. Mm-hmm. Les scientifiques avaient fait des tests en immobilisant les moutons pendant plusieurs heures. Puis là, on parle de moutons qui sont habitués de vivre dans des champs ouverts à bouger toute la journée. Ils ont dû être un peu stressés. Mais c'est ça. Les fermiers ont dit aux scientifiques que les moutons allaient mal réagir et que forcément, ils allaient observer des changements physiques et comportementaux chez les moutons. Ça peut sembler banal, mais les fermiers avaient raison. Puis les résultats scientifiques ont été affectés par ce protocole d'enquête-là. Donc, les tests menés par les scientifiques n'étaient pas adaptés au contexte local. De plus, les fermiers ont suggéré que la radioactivité, elle venait pas de Tchernobyl, elle venait d'une usine de traitement de combustible nucléaire qui était située pas trop loin de là. Donc, une usine qui prend les déchets, par exemple, de centrales nucléaires et qui les traite. Donc, il y avait une telle usine dans le nord de l'Angleterre, l'usine de Windscale Sellafield, donc qui était située à proximité de leur terre. Les scientifiques n'ont pas revu leur méthode, ils n'ont pas tiré profit de l'expertise des fermiers sur place. Pis c'est dommage parce que si les scientifiques puis les fermiers avaient travaillé ensemble, l'expertise des scientifiques, elle n'aurait pas été remplacée par celle des fermiers. Mm-hmm. Ça serait ajouté à celle des fermiers. C'est un petit peu regrettable de ne pas profiter de certaines connaissances locales quand même. Oui, c'est ça. T'sais, les citoyens ont souvent des connaissances particulières qui échappent aux scientifiques. Puis écouter davantage les citoyens, ça nous permet de tirer profit de ce genre de connaissances-là. Mm-hmm. Mm-hmm. En terminant, est-ce qu'il y a des problèmes à prévoir avec l'avènement des sciences citoyennes? C'est une question assez large. Oui, écoutez, il y en a sûrement plusieurs. Je vais me concentrer sur un problème qu'on pourrait prévoir. Donc, il y a certains philosophes qui sont moins enthousiastes quant à l'inclusion du public dans la démarche scientifique. On ne sait pas quoi faire, par exemple, lorsque les citoyens sont insensibles aux raisons et aux données probantes accumulées par la recherche scientifique. Donc, je vous donne un exemple. Dans un article consacré aux questions scientifiques controversées, les trois philosophes danois, et je m'excuse à l'avance à leur égard parce que je vais probablement massacrer leur nom, Andreas Christiansen, Karin Jonge-Clausen et Clemens Kappel, qui discutent du cas où le public est très sceptique à l'égard d'un développement scientifique bénéfique. Et là, ils se concentrent sur un cas en particulier, les organismes génétiquement modifiés en agriculture. Mm-hmm. Alors, je vous lis une citation de leur texte. On a longtemps supposé que le problème du scepticisme à l'égard de la science résidait dans le manque de connaissances du public à son propos. Dans le cas des OGM, cette approche semblait initialement plausible. Si seulement le public avait de meilleures informations à propos des OGM, il en apprécierait les avantages. Pourtant, les études empiriques disponibles ne parviennent pas à établir une corrélation uniforme entre une meilleure connaissance des OGM et des attitudes plus positives à leur égard. Et lorsque les études ont établi des corrélations, celles-ci ont été faibles. Certaines études suggèrent même qu'une meilleure connaissance des OGM est corrélée à des attitudes plus sceptiques. C'est surprenant, oui. Ouais, c'est comme si c'est contre-intuitif. C'est ça. Plus on informe le public sur les OGM, on s'attendrait à ce que le public devienne plus réceptif à cette technologie-là. Mais en fait, ce qu'on observe, c'est que non. Soit ils demeurent indifférents, soit même ils peuvent devenir plus sceptiques. Donc, tout à l'heure, je discutais de l'étude de Wynne sur les fermiers moutons. Donc, ça, c'était une situation où des scientifiques se montrent insensibles à l'expertise de certains groupes de citoyens. Mais le phénomène inverse est tout à fait possible. Hein? Des citoyens peuvent être insensibles à l'expertise scientifique. C'est ce qu'on observe dans les études sur les OGM. Si le public n'est pas réceptif aux données collectées par les scientifiques, on voit mal comment ils vont arriver à s'entendre, à travailler ensemble. Ah oui, les gens n'auront pas envie de participer à un projet de science citoyenne. C'est ça, exactement. Puis l'épisode des OGM, ça suggère peut-être que la collaboration entre les scientifiques et le public, ça ne sera pas toujours une collaboration concluante. Malgré tout, on peut se demander si, de façon générale, il peut y avoir des cas où ça ne fonctionne pas, mais est-ce qu'en général, l'implication des citoyens dans la production de connaissances scientifiques donne de bons résultats? Mm-hmm. Puis peut-être que pour savoir si ça fonctionne ou non, il va falloir mesurer le succès de ce nouveau modèle participatif, puis faire des études sur le succès des sciences citoyennes. Est-ce qu'il y en a des études de ce genre-là? À ma connaissance, il n'y en a pas, mais moi, je ne serais pas surpris que dans les prochaines années, ce soit le genre d'analyse. Et là, il va y avoir des questions intéressantes à se poser. Est-ce que le succès des sciences citoyennes devrait être mesuré par des citoyens ou par des scientifiques? Une question quand même intéressante. Et est-ce que la commission de l'éthique en sciences et en technologie, est-ce que c'est un sujet qu'elle développe particulièrement? En fait, pourquoi avoir choisi ce sujet particulièrement ce soir? Nous, on travaille depuis plusieurs années, on travaille beaucoup sur l'éthique des technosciences, donc de développement technologique récent. Mais il faut couvrir quand même l'éthique du développement scientifique, puis la participation citoyenne, ça soulève toutes sortes d'enjeux sur la démocratie, l'inclusion, la liberté, l'utilité collective. Et donc, peut-être qu'on ne les mène pas en ce moment, ces recherches-là, mais ça pourrait être une bonne chose là, qu'on se penche plus en détail sur l'éthique des sciences, à proprement parler. Mm-hmm. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on voit des comités d'éthique bien souvent pour donner le go à certains projets, comme vous le disiez tout à l'heure. Exactement. Merci beaucoup, Marc-Evin, de nous avoir fait réfléchir sur les sciences participatives. Je rappelle que Marc-Evin Daou est conseiller en éthique à la Commission de l'éthique en sciences et technologies. Après ces douces ondes que nous a proposées Jorat, bien, on va revenir un petit peu. Je vais me relancer avec Marc-Kevin Daou, puisqu'il nous reste quelques minutes. Et j'ai eu la curiosité de demander à Marc-Kevin sur quoi il travaillait en ce moment. Donc, Marc-Kevin, quel est ton projet de travail en ce moment à la commission? Je travaille sur l'Internet des objets, et en particulier, j'ai passé les derniers mois à travailler sur les voitures connectées. Donc, de plus en plus, les voitures qu'on achète sont munies de systèmes de captation de données. Ils sont connectés à Internet, donc ces données-là peuvent être transmises aux fabricants du véhicule, par exemple. Mm-hmm. Là, la question qu'on se pose, c'est quoi les limites entourant la collecte de ces données-là sur nos véhicules et jusqu'à quel point on devrait réglementer, par exemple, sur l'accès à ces données-là, la suppression de ces données-là. Qui a accès à ces données? Quel type de données? Elles vont servir? Alors, commençons par le type de données. Ça peut être vraiment n'importe quoi. On peut avoir des senseurs, par exemple, qui captent le nombre de passagers qui sont dans le véhicule. On peut capter les conversations à l'intérieur du véhicule, les postes qui sont écoutés. Ah oui. Et ça s'ajoute à toutes les appels téléphoniques Et ça s'ajoute à toutes les données qui étaient déjà collectées par le véhicule dans le passé, mais qui n'étaient juste pas transmises, comme la vitesse à laquelle on roule, les alertes mécaniques. Les itinéraires. Les itinéraires, ça c'est dans le système GPS intégré maintenant du véhicule. Bref, une foule de données sur l'état du moteur, tout ça, la conduite, mais aussi toutes les données comportementales des occupants du véhicule peuvent être transmises. Le style de conduite, si c'est une conduite nerveuse, si c'est une conduite, est-ce que ça peut aller jusque-là? Exactement. Et là, ça peut nous aider à avoir des bons portraits, par exemple, de c'est qui nos clients. Alors, les personnes qui achètent telle marque écoutent tel poste, ou les personnes qui achètent telle marque vont au supermarché le soir, ainsi de suite. Donc, ça peut toutes sortes d'indicateurs comme ça sur que font les occupants, c'est quoi leur style de vie, leurs habitudes de vie, ainsi de suite. Et les assureurs? Oui, on peut revendre ces données-là en bloc. Les assureurs ne voudront peut-être pas d'un conducteur ou d'une conductrice trop énervée, peut-être. Ouais, exactement. Alors, ça, c'est des données qui peuvent être partagées avec des tiers parties. Oui. Et il y a toutes sortes de questions qui se posent parce que, par exemple, les données sur le nombre d'occupants dans le véhicule, ça ne semble pas être des données très critiques. Si on sait, par exemple, que vous étiez seul dans votre véhicule à telle heure, mais qu'à telle autre heure, vous étiez deux personnes dans le véhicule, ça ne semble pas très critique. Mais si on croise cette donnée-là, par exemple, avec le moment de la journée auquel vous avez fait un trajet, et par exemple, le fait que vous êtes allé dans un bar à telle heure, et là, le fait que quand vous êtes parti de votre domicile, il y avait une seule personne dans la voiture, mais au retour, il y en avait deux. Mm-hmm. Et donc, si on fait des croisements entre toutes ces données-là, on peut finir par avoir un portrait assez fin de quel genre de personne vous êtes et de quel genre de comportement vous avez. Finalement, on peut brosser un portrait assez fin de qui vous êtes. Mm-hmm. Et ça peut être inquiétant. Ça peut être inquiétant du point de vue de la surveillance, puis de la vie privée aussi, du droit à la vie privée. Mm-hmm. Et comment on fait pour... parce que ça a l'air tellement vaste. Donc, comment on fait pour aborder, pour appréhender un tel problème? Je ne sais pas si vous êtes capable de nous dire ça en une ou deux minutes. Mais je vous dirais, sans faire le tour de la question, le point de départ, ce serait vraiment la qualité du consentement. Donc, en ce moment, ces données-là sont collectées, puis on consent à les transmettre. transmettre à la signature d'un long contrat de 95 pages ou... Ouais. J'exagère, mais je veux dire, la qualité du consentement, c'est est-ce que les consommateurs de ces produits-là, comme les véhicules connectés, sont bien informés de ce qu'on fait avec leurs données? Et est-ce qu'on peut leur donner des leviers adéquats, faciles à utiliser pour, par exemple, bloquer la transmission de leurs données? Donc ça, ce serait vraiment le point de départ là, de qu'est-ce qu'on peut faire pour un encadrement éthique des véhicules connectés. C'est peut-être un sujet dont vous aurez l'occasion de venir nous reparler, parce que je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Merci beaucoup, Marc-André Daou, pour ce petit surplus d'informations sur les travaux de la Commission de l'éthique en sciences et technologies. Merci beaucoup.